ses règlements politiques. Il compléta le Sénat, il créa de nouveaux patriciens, il augmenta le nombre des préteurs, des édiles, des questeurs et des magistrats inférieurs. Il réhabilita des citoyens que les censeurs avaient dépouillés de leur dignité, ou que les tribunaux avaient condamnés pour brigue. Il partagea avec le peuple le droit d'élection dans les comices, de sorte qu'à l'exception de ceux qui se présentaient au consulat, les candidats étaient élus, moitié par la volonté du peuple, moitié sur la désignation de César. Or, il désigna les siens au moyen de circulaires qu'il envoyait à toutes les tribus, et qui contenaient ce peu de mots « César dictateur à telle tribu. Je vous recommande telles et telles, afin qu'ils tiennent leur dignité de vos suffrages. » Il admit aux honneurs également les enfants des proscrits. Il restreignit le pouvoir judiciaire à deux sortes de juges, ceux de l'ordre équestre et ceux de l'ordre sénatorial. Et il supprima les tribuns du trésor, qui formaient la troisième. Il fit le recensement du peuple, non de la manière accoutumée, ni dans le lieu ordinaire, mais par quartier, en passant par les propriétaires d'îlots. Le nombre de ceux à qui l'État fournissait du blé fut réduit, de 320 000 à 150 000. Et pour que la formation de ces listes ne pût être, à l'avenir, l'occasion de nouveaux troubles, il établit qu'avec ceux qui n'y seraient pas encore inscrits, le préteur pourvoirait chaque année par la voie du sort au remplacement de ceux qui seraient morts dans l'intervalle.